Chapitre 20. Conjurations et conjurés. Les personnes qu'on est obligé de conjurer sont presque toujours des riches, dont les biens ont été mal acquis, des tuteurs qui ont accaparé les deniers de leurs pupilles, bref, des gens qui ont volé et qui ont à restituer. Les âmes qu'il faut encercler et conduire au yudik, ce sont celles des gens qui ont mené une vie de désordre, en doute d'irez. Aussi n'y a-t-il guère là-bas que des nobles ou des bourgeois, des désœuvrés et des riches. Les paysans, eux, ont assez de peine à gagner leur vie pour ne se tenir pas tranquilles après leur mort. Yves Turnier le Vieux, Saint-Rival. Leurs âmes sont condamnées à errer jusqu'à ce que le tort qu'elles ont fait ait été réparé de quelque façon. Elles sont hargneuses et méchantes, elles rôdent sans cesse autour de leur ancienne demeure et se vengent de leur détresse en portant le trouble parmi les vivants. On les conjure pour les réduire à l'immobilité et au silence. Les prêtres seuls ont le pouvoir de conjurer. Encore tous les prêtres ne le savent-ils pas faire. Il faut un homme habile, déterminé, sûr de sa science. C'est tout au plus s'il s'en trouve un par région. Il ne suffit pas que l'exorciste connaisse à fond son métier. Il est indispensable aussi qu'il ait la poigne solide. Quand le prêtre est appelé pour une conjuration, il revêt son surplis et tient à la main son étole. Arrivé dans la maison hantée, il se déchausse, car il faut qu'il soit prêtre jusqu'à la terre. Belek betek andoir. Pour qu'il puisse reconnaître les traces du mort, les gens de la maison ont eu soin, dès la veille, de répandre sur le sol de terre battue du sable ou de la cendre fine. Dans l'île de Mans, la nuit du 12 novembre, on égalise les cendres dans le foyer. Si, au matin, il y a sur les cendres des traces de pas se dirigeant vers la porte, une personne de la famille mourra dans l'année. Rhys, Celtic Folklore. Ils en ont répandu de même dans l'escalier, sur toutes les marches depuis le rez-de-chaussée jusqu'au grenier. Le prêtre suit à la piste les traces du mort et s'enferme dans la pièce au seuil de laquelle elles paraissent s'arrêter. C'est là qu'est gité le mauvais revenant. Là aussi s'engage entre le prêtre et lui un terrible combat. On a vu des prêtres sortir de ces rencontres exténués, pâles, ruisselants de sueur. Tout le temps que dure le sinistre tête-à-tête, les gens de la maison se tiennent tapis au coin du foyer, muets d'épouvante. Ils se bouchent les oreilles pour tâcher de n'entendre point le vacarme effrayant qui se fait là-haut. Chacun se demande avec anxiété qui l'emportera, de l'âme méchante ou de l'homme de Dieu. Le prêtre, cependant, tantôt multiplie les oraisons spécifiques, tantôt lutte avec le revenant corps à corps. Quelquefois il ruse avec lui, il lui pose des questions embarrassantes et profite du moment où il est occupé à chercher la réponse pour lui passer l'étole au cou. Dans le Léon, les conjurés sont dits « en doute stoliette », mot à mot les gens étolés à qui l'on a passé l'étole. Dès lors, le revenant est vaincu. Il devient d'une docilité rampante. Le prêtre prononce sur lui la formule d'exorcisme et le fait entrer dans le corps d'un animal, le plus souvent d'un chien noir. Il le traîne hors de la maison, puis le remet à un homme de confiance, généralement le bedeau ou le sacristain, dont il se fait toujours accompagner en semblable occurrence. Tous deux se dirigent alors, le prêtre marchant devant, le bedeau suivant avec la bête, vers quelque endroit peu fréquenté, comme une lande stérile, une carrière abandonnée, une fondrière dans une prairie. « C'est ici désormais que tu demeureras, » dit le prêtre au mort, et il lui délimite l'espace dans lequel il pourra mouvoir en se servant d'ordinaire, pour cela, d'un cercle de barriques. On choisit un endroit peu fréquenté, parce que si quelqu'un passait à portée du conjuré, il serait sûr d'être appréhendé par les pieds et entraîné sous terre. Dans les marais qui avoisinent l'embouchure du Douron, au Moilric, lieu du Petit Merle, en Plestin, il y avait un conjuré qui criait sur un ton lamentable toutes les nuits. « Daouzek desio pascha nedelek, rechor mikel, hare andrindet, biskoaz hinine nom eusgret. » Les quatre temps, en breton les 12 jours de Pâques et de Noël, ceux de la Saint-Michel et de la Trinité, il n'y en a pas un que j'ai observé. Quelqu'un, passant un jour à proximité, répondit au mauvais hurleur. « Je les ai observés tous quatre. Je te fais cadeau d'une de mes observances. » »« Ma bénédiction sur toi, » dit l'âme, calmée subitement. « Désormais, je suis délivrée. » Communiqué par N. M. Le Braz. Monseigneur Luyer, qui mourut évêque de Quimper vers 1757, avait de son vivant, paraît-il, commis bien des passe-droits. Pendant de longues années, il renta son château épiscopal de Lanniron. Il se promenait dans son carrosse à travers les allées du parc, l'air absorbé, soucieux. Un jeune prêtre du diocèse eut le courage de le conjurer. « Hola, monseigneur ! » lui cria-t-il. « Mettez du moins la tête à la portière, que l'on puisse vous dire un mot !» Le mort, interloqué, se pencha en dehors du carrosse. Le prêtre eut le temps de lui passer au cou son étole. À partir de ce jour, Monseigneur Luyer ne revint plus. Communiqué par René Alain, Quimper. La conjuration de Trogadec, Guerz. Depuis que Trogadec est mort, aux alentours, rien ne dure. Seul, un jeune prêtre du Léon a eu la hardiesse de le venir conjurer en apportant avec lui son étole. Le jeune prêtre demandait à Trogadec en le conjurant « Dites-moi, Trogadec, combien y a-t-il de temps que vous êtes décédé ?»« Oh, il y a 7 ans passés, et plus, depuis que je suis en enfer archi-rôti. » Vous faites mensonge, Trogadec. Car il n'y a pas 7 jours passés que votre veuve est en deuil et nuit et jour verse des larmes. Dites-moi, Trogadec, qu'est-ce qui est cause que vous êtes damné ? J'ai été marchand mercier. Je voudrais bien ne l'avoir jamais été. Quand les chalands me demandaient de leur couper 3 aunes d'étoffe, je leur en servais 1 aune et demie et je touchais le prix de 3. Allez chez moi. « Dites à ma femme de distribuer mes biens mal acquis. Dites-lui de donner aux pauvres tous les biens que je possède en sec et en verre. Si elle ne le fait, en enfer sa place est marquée. » Le jeune prêtre disait à la baronne en la saluant. Une baronne veuve d'un mercier, cela peut sembler étrange. La chanson populaire a de ses caprices. Je donne la Guerz telle qu'elle est. Le jeune prêtre disait à la baronne en la saluant « Par votre mari, il vous est recommandé de distribuer vos biens mal acquis, de les donner aux pauvres en sec et en verre, sinon votre place en enfer est marquée. Tout ce qui est entre Brest et Lesnevin, je l'ai acheté avec ce que m'a rapporté mon aune. Cela n'est rien, mais j'ai une maison neuve en Bretagne, la plus jolie qui se puisse voir. » Pourvu qu'on me laisse ma maison neuve, j'abandonne à Dieu son paradis. » Or, peu de temps après cela, la baronne dut s'aliter. Le 9e jour, elle décéda. La baronne disait au moment où elle tombait dans le puits de l'enfer, « Si j'avais obéi à bon conseil, ce n'est point ici que l'on m'eût trouvée. Je voudrais voir le faîte de ma maison neuve écrasée sur le foyer et que mon âme fût pardonnée. Je voudrais ma maison neuve rasée et que mon âme fût en bon état. Au moins mon Anaon eût été sauvée, tandis que maintenant, mon mari et moi, nous sommes damnés tous deux. » Chanté par Anna Druteau. Pédernec, 1887. Voir la Guerse donnée par M. Luzel dans le premier volume des Chants populaires de la Basse-Bretagne, Guerziou Brezizel, page 68, est intitulée Trogalec tout court. Dans cette version, c'est Trogalec qui tient le discours prêté, dans la nôtre, à la baronne, ce qui paraît d'ailleurs plus nature. La fin est particulièrement intéressante comme trait de mœurs. « Allez chez moi, dit Trogalec au prêtre, et priez ma femme de me venir voir dans l'enfer. Quand elle y sera, elle ne s'en ira plus. Si elle avait voulu, à mon insu, donner l'aumône en ma maison, un de nous deux aurait été sauvé. » « Et comment donner à votre insu ? » répond la femme. « Le pain était toujours sous clé, et vous faisiez une marque pour savoir combien il y avait de farine dans le pétrin. »« Certes, mais je ne visitais pas le blé dans l'arche. » Avare pendant sa vie, Trogalec reproche à sa femme, après sa mort, de n'avoir pas su être charitable à sa place. Cela est d'une psychologie paysanne très fine. Nos poètes populaires ont quelquefois de ces trouvailles. C'est peut-être ici le lieu de faire remarquer quelle importance morale revêt l'aumône aux yeux des Bretons. Il faut donner aux pauvres, c'est là un axiome en quelque sorte fondamental. Beaucoup de nos légendes n'en sont qu'une démonstration, une paraphrase. Témoin, la merveilleuse aventure de la pénitente de Locrist en Iselvet, dont nous croyons utile de donner ici une version. On peut dire que les pauvres sont les rois fainéants de la Basse-Bretagne. Le mot « roi » n'est pas aussi métaphorique qu'on pourrait le croire. Certaines familles forment de véritables dynasties de mendiants. L'état de chercheur de pain, Clasquer-Barra, est chez nous comme empreint d'un caractère de majesté. À nos pardons, les pauvres jouent un rôle plus essentiel que les prêtres. Leur royauté est de droit divin. On les vénère comme les proches parents de Dieu. On se considère comme tenu de les héberger, de les nourrir. Ils vous disent « Je dînerai chez vous tel jour ». On se donne bien garde de les mal accueillir. Ils distribuent ainsi leur journée entre leurs bienfaiteurs, j'allais dire entre leurs sujets. Ils vous abordent avec une patenôtre, vous quittent en vous laissant une bénédiction, et c'est vous qui êtes leur obligé. Partout, on fait deux grands états. Ceux d'entre eux qui ne sont pas des idiots, des innocents, ont souvent une sorte de supériorité intellectuelle sur les gens du peuple qui vivent de leur travail. N'ayant pas à se préoccuper de la vie matérielle, ils ont le loisir de cultiver leur esprit, d'orner leur mémoire. J'en connais qui sont de magnifiques discoureurs, d'autres qui philosophent. Tous sont des gazettes vivantes, des journaux ambulants. Il en est qu'on peut feuilleter comme un livre, comme une somme de traditions populaires. Ceux-là font parfois école. Ils lèguent à des disciples un enseignement oral. Ce sera vraiment grand dommage le jour où aura disparu le dernier d'entre eux. La pénitente de Locrist en Iselvet. Par la grâce du Seigneur Dieu le Père, avec l'inspiration du bon ange et le secours de la Vierge, je voudrais composer une Guerse nouvelle. Sur le sujet d'un lieu saint qui est en Basse-Bretagne, s'il vous plaît de le venir visiter, vous n'y perdrez pas votre temps. Dans l'ancien évêché de Léon, il y a un lieu de dévotion en Guinévèse, entendez-le, à Locrist en Iselvet. Autrefois, dans le vieux temps, à Locrist, il y avait une fontaine qui était fréquentée par des pèlerins de tout pays. Or, entendez-le, Breton, il y avait lieu de l'aller visiter, car un miracle par jour était accompli par l'eau de cette fontaine. Dans une auge de pierre qui est là, sous les yeux du Seigneur Christ, toujours, on plaçait les gens affligés d'infirmité pour les y laver avec l'eau de la fontaine. De cette fontaine partait un joli canal qui déversait l'eau dans un seau qu'on allait quérir en grande pompe et assistance. Un prêtre vêtu de blanc accompagné du sacristain et l'étole au cou, allait chaque jour aider à laver dans l'auge les malades. Oui, chaque jour, à tour de rôle, on couchait des malades dans cette auge, et par la grâce du Christ béni, tous y recouvraient la santé. Ce ne sont pas des fables que ces choses, c'est la vérité que je dis. Quiconque était affligé d'une infirmité, à le Christ recouvrait la santé. À la fin, le village se trouva comble. Aux alentours, on ménagea des logements pour les infirmes. De tout pays abondaient les pèlerins. Ce que voyant des gens de la contrée, s'empressèrent de couvrir cette fontaine, de peur que ne survînt la peste dans le pays et aussi dans la banlieue. Le Seigneur Christ permit par faveur que la fontaine fût mise à l'abri, sous terre, dans l'église, là où on le prie chaque jour. Mais, depuis qu'elle a été ainsi séquestrée, par force gens elle a été délaissée. C'est cependant un lieu sacré, s'il en est en Basse-Bretagne. Dans une auge de pierre qui est là, beaucoup de malades ont puisé du réconfort, à prier le Christ béni, on trouve soulagement toujours. Quand vous serez en affliction, malade d'esprit ou de corps, venez à l'Au-Christ d'un cœur droit. Là, il y a des remèdes excellents pour les maladies de langueur et pour les infirmités. Pour avoir été délaissé de beaucoup de ces pèlerins, ce n'en est pas moins le plus antique parmi les lieux saints de ce pays. Afin de vous faire entendre quelle profusion de miracles s'y sont accomplis ou continuent de s'y accomplir, sachez que, pour les compter et les écrire, un mois entier ne serait rien. Ô vous, Seigneur Christ béni, versez la lumière à mon esprit que je puisse divulguer aux Bretons quelques-uns des prodiges que vous avez faits. Je vais devant tous les proclamer avec la grâce de la Vierge Marie, mon bon ange m'inspirera, qu'il vous plaise de les venir écouter. À l'Au-Christ un temps fut, un maître de maison faisait demeurance. Sa femme, l'élue de son cœur, se montrait aux pauvres charitables. Pourtant, il advint qu'un jour, prêtez votre attention à ceci, car c'est une chose horrible à ouïr, il advint qu'un pauvre chercheur d'aumône se présenta dans leur ménage, en quête de quelque subsistance. Au nom de Dieu, il demandait de quoi prolonger sa vie. Si charitables que fussent les deux époux, la femme en cette occasion se montra dure envers ce pauvre cher qui demandait au nom de Dieu l'aumône. « Je suis fort pressée, dit-elle, j'ai à préparer le repas de mes gens. Une autre fois, je vous viendrai en aide, pour l'instant décampé. » Le pauvre cher, malgré cet accueil, toujours et toujours insistait. « Donnez-moi de quoi manger, disait-il, car j'ai bien faim en ce moment. Il y a si longtemps que je n'ai mangé morceau, mon cœur de détresse se serre. Au nom de Dieu, soulagez-moi, ou je mourrai sur place à coup sûr. » La femme lui répliqua, avec une colère des plus terribles, « Hors d'océan, ou je vous chasserai en lâchant sur vous le grand chien. » Elle se laisse entraîner par la colère, elle lâche le chien, aussitôt dit. Mais la bête ne fait aucun mal au pauvre, elle ne fait que le flairer. Et le pauvre de soupirer, et le cœur de lui manquer, en se voyant ainsi abandonné, sans personne qui lui vienne en aide. Du seuil de la maison, il partit, devant la porte de la cour, il mourut. Deux chiens étaient à ses côtés, chose mystérieuse à comprendre. Avec le chien qui avait été lâché, un autre était survenu et il se tenait près du pauvre, lui faisant mille joies sans toucher à lui en aucune sorte. Quand rentrèrent les gens de la maison pour le repas, vieux et jeunes, tous furent étonnés de trouver là cet homme mort sans un seul chrétien pour le garder. Devant la porte de la cour était resté le corps du pauvre homme décédé. Seuls les deux chiens veillaient à ses côtés. C'était là une grande leçon. Lorsque la femme eut connaissance de la chose, elle se prit à pleurer, à se lamenter. « Hélas, c'est moi qui suis cause, dit-elle, de ce malheur, de cet ennui. Le grand chien, c'est moi qui l'ai lâché, et c'est lui qui l'aura étranglé. et cela parce qu'il demandait un morceau de pain au nom de Dieu. Il vint du monde voir le mort, s'informer de ce qui lui était arrivé. Il ne portait pas trace de blessure. Peu après, il fut enseveli. La femme, dans l'espoir d'expier sa faute, sans regret ni tristesse, donna pour l'enlinceler chemise drap à mettre avec lui dans la tombe. À la nouvelle d'un malheur si grand, il se fit nombreux concours de gens pour le voir déposer en terre, et tous avaient navrement et ennui. À Guinevès, il fut envoyé, enterré, avec tous les honneurs possibles. Ce fut la femme qui paya les prêtres pour célébrer le service et dire les prières d'usage. Quand elle fut de retour chez elle, elle trouva sur la table et son argent et son linge. À confesse, elle se rendit aussitôt. Mais elle ne trouva aucun prêtre pour l'absoudre. Il fallait qu'elle partît pour Rome, qu'elle s'adressât au pape et lui confessât ses péchés sans en rien taire. Cette pénitence, elle l'accepta. Au sien, elle demanda, le soir même, la permission de se mettre en route. « Mon mari, je ne puis différer. » Son mari lui parla de la sorte. « Où vous allez, je vous suivrai. Si l'un de nous part, nous partirons tous deux. Je n'ai cure des biens que je laisserai derrière moi. » Elle avait un fils encore à la mamelle. C'est lui qu'elle embrassa le premier. Puis vint le tour de sa fille aînée. « Adieu, dit-elle, mes enfants. » Les voilà tous deux de partir, emportant avec eux un double pain. Ils étaient déjà loin de chez eux quand ils se croisèrent en route avec des passants. La femme alors de dire, devant ces gens-là, à son mari, « L'argent que vous m'aviez donné sur la table à la maison est resté. Mon pauvre époux, allez le prendre, en cet endroit je vous attendrai. » L'homme obéit sur l'heure, il retourna chez lui chercher l'argent. Dès qu'ils se furent séparés, la femme se remit en marche, et lorsque le mari revint à l'endroit convenu, son épouse n'y était plus. Le voilà de gémir, de pleurer et de se lamenter, tant son angoisse était grande. À la maison alors, il retourna. À partir de ce jour, ils furent 25 ans sans se rencontrer en nul chemin, et sans jamais entendre prononcer le nom l'un de l'autre. Le mari n'entendant plus parler de sa femme, et n'ayant d'elle aucune nouvelle, avec le temps, se fiança de nouveau et prit une seconde épouse. Hélas, s'il avait pu savoir que sa première femme vivait, il n'aurait pas fait cette chose. Il n'en fut plus tard que trop navré. La femme à Rome, quand elle arriva, au pied du pape se prosterna, pour implorer de lui une pénitence et l'absolution de son péché. Le pape enjoignit de la conduire, en grande hâte pour expier sa faute, dans la chambre de pénitence où l'on enferme les pires pécheurs, et de lui donner, quand elle y serait, du pain et de l'eau pour 3 jours, ainsi que du lin qu'elle aurait affilé pendant ces 3 jours sans démordre. Grande est la miséricorde d'un Dieu. Tout le temps qu'elle resta dans cette chambre, on fit comme si elle n'existait plus. Quand on se souvint d'elle, on ne douta point qu'elle ne fût morte. Or, lorsqu'on alla ouvrir sur elle la porte, on la trouva qui filait, le corps sain et l'âme sereine. On la tira donc de ce lieu, et le pape alors lui donna l'absolution. Au sortir de Rome, elle rencontra un vieillard qui humblement lui demanda « D'où venez-vous? Où comptez-vous aller? Mon ami, dites-le-moi. » « Jamais je ne vous vis en ces parages, vous n'êtes pas de ce pays. »« Je ne vous le cacherai point, brave homme, je suis de Basse-Bretagne, tenez-le pour certain, et de Locrist en Iselvet, là est mon mari. »« Mon mari, mes enfants, pour qui j'ai été une cause de peine, parce que je les ai abandonnés. Je crois pourtant qu'ils auraient désir de me revoir. »« Si vous avez désir, dit cet homme, de les aller revoir, vous aussi, avant qu'il soit longtemps, grâce à Dieu, vous parviendrez en leur contrée. Votre mari et vos enfants, bientôt, vous les reverrez, et vous les pourrez consoler en leur navrement et ennui. Quand vous arriverez en Iselvet, chez le Seigneur Christ béni, faites-lui tous mes compliments, et dites à Christ que je l'aime. Je suis le charpentier qui a sculpté le premier ses calvaires. Vous voyez cette baguette blanche que je tiens, je vais vous la donner maintenant. Votre mari et vos enfants, avant peu, vous les reverrez. Dès lors, elle marcha d'une telle allure qu'elle arriva dans son pays promptement. À la maison des siens, elle se rendit. La baguette blanche la conduisit. Chez son mari, quand elle fut à être logée, elle demanda avec déférence et humilité. Nul chrétien ne la reconnaissait. La maîtresse de maison était altière et lui répondit sèchement. « Ici, vous ne serez pas logé. Allez où bon vous semblera. » Son mari n'était pas à la maison. Ses enfants, entendant leur pauvre mère demander logement à leur marâtre si humblement, eurent pitié d'elle et elle fut logée, grâce à ses enfants, croyez-le bien. Oui, en dépit de la marâtre, elle fut dignement hébergée par eux. La pauvre femme, parvenue au seuil de sa maison, de la maison où demeurait son mari, s'assit sur le rebord d'une auge de pierre et demanda la permission d'y coucher. Sa fille, qui allait et venait, à son frère prêtre disait « Cette femme a quelque chose d'étrange, à la voir j'ai le cœur serré. La mère qui nous a enfantés, vous et moi, mon frère prêtre, lui ressemblait fort, je trouve. Je me sens une tendresse chaude pour elle. » La femme était là, sur le pas de la porte. Son fils l'aborda plein de déférence. Avec respect et humilité, il la prit par la main. Au foyer, elle fut amenée, par sa fille et par son fils prêtre. Là, son fils la fit asseoir à la place qui lui était réservée à lui-même. Sa fille alors lui lava les pieds avec une humilité grande, et ayant vu qu'elle avait à la jambe une marque, elle dit à son frère prêtre « Plus que jamais mon cœur m'affirme que c'est ici la femme qui nous a enfantés. Elle porte à la jambe la même cicatrice qu'avait notre véritable mère. » Le prêtre ne fit mine de rien jusqu'à ce que le souper eût été servi, mais alors il donna sa part à la femme qu'il avait mise au monde. La marâtre de se fâcher et de prendre à partie le prêtre. « Ce n'est pas envers moi que vous auriez tant de prévenance, ni non plus envers votre père. » Sans se fâcher, le prêtre continua de faire ce qu'il jugeait de son devoir. Il recommanda à sa sœur d'avoir bien soin de l'étrangère. « Apportez des vêtements, dit-il, ma sœur, et donnez-les à cette femme, afin qu'elle se change et qu'elle aille se coucher. C'est dans mon lit qu'on la mettra. Car cette nuit, point ne me coucherai. Je veux la passer en oraison pour demander à Dieu la faveur de bien conduire ma vie. » La sœur eut grande joie de ces paroles. À son armoire aussitôt elle alla. Elle en tira pour sa mère un vêtement et une chemise toute flambante neuve. Quand la femme fut habillée et de harde proprement revêtue, la sœur dit à son frère « Celle-ci est notre mère, j'en suis sûre. » Le prêtre à sa sœur répondit « J'en suis convaincu comme vous, mais ne précipitons rien. Avec le temps, tout s'éclaircira. » Dans le lit de son fils, la femme reposa. Ceci est un grand exemple de tendresse entre une mère et ses enfants au cours de la vie. Cependant, le mari rentra. Sa seconde femme lui dit « Vous avez de par le monde un fils prêtre qui fera belle fin, j'imagine. Une femme a été ici logée par votre fille et votre fils prêtre, et c'est dans son lit qu'il l'a mise. Si vous ne m'en croyez, allez-y voir. » Le pauvre mari, à cette nouvelle, furieux, à la chambre monta. Quand il eut constaté que la chose était vraie, lui d'interpeller son fils prêtre alors. « Dites-moi, mon fils prêtre, à quoi donc songez-vous? Il ne me semble pas que vous ayez agi d'une façon convenable pour un homme de votre sorte. » Par la vertu de son oraison, le fils amollit le cœur de son père. « Taisez-vous, mon père, dit-il, c'est pour Dieu que je l'ai fait. » « Laissez dire à ma marâtre ce qui lui fera plaisir. Celui qui loge sera logé. Il n'est qu'un devoir, c'est de faire le bien. » Voilà notre homme radouci par les paroles de son fils prêtre. Il redescendit au plus vite sans ajouter un seul mot qui fût déplacé. Quand fut venue la prime aube, la pauvre femme se leva en hâte et se dévêtit de ses hardes pour les rendre à sa fille avec gratitude. Le prêtre à sa sœur dit « Ce ne sont pas les hardes qui vous manquent, je le sais. Vous pouvez abandonner celles que voici à cette pauvre femme pour l'amour de Dieu. » La fille, qui avait bon cœur, tout autant que le fils prêtre, dit à sa mère alors, « Vous pouvez garder les hardes que voilà. » Elle donc de les remercier et de demander à son fils s'il aurait la bonté de faire en sorte qu'elle puisse ce jour-là se confesser. « Oui, dit-il, je ferai cela pour vous. Si j'en avais eu le droit, je vous eusse confessé moi-même. Quand viendront les prêtres à l'église, je vous ferai certainement confesser par l'un d'eux. Vous pourrez vous confesser et communier, vous déjeunerez ici ensuite, et en attendant la grand-messe, à ma première messe vous assisterez. « Oui, dit-elle, j'y assisterai, votre première messe je l'entendrai, et je ne communierai pas avant que vous ayez célébré votre messe. Vous auriez trop longtemps à rester à jeun, dit-il, peut-être après seriez-vous malade. Communiez et déjeunez, car mon office, croyez-moi, sera long. Je ne ferai ni l'un ni l'autre. C'est de votre main que je veux recevoir la communion, s'il vous plaît, après que vous aurez célébré votre première grand-messe. » Là-dessus, nos gens se rendent à l'église. Le prêtre fit confesser sa mère, qui dit alors qui elle était au prêtre qui la confessait. Le confesseur, qui était discret, garda à la femme le secret, jusqu'à ce que son fils eût dit la messe et qu'elle eût communié de sa main. Quand elle se fut confessée, qu'elle eût communié de la main de son fils, elle se mit en prière et dit au Seigneur Christ, « J'ai des compliments à vous faire, dit-elle, de la part d'un homme qui n'est pas le premier venu. Vous, Seigneur Christ béni, s'il vous plaît, daignez m'écouter. C'est de la part d'un vieillard de lointain pays. Il m'a recommandé, Seigneur, de vous dire en propres termes que c'est lui le charpentier qui fit votre croix. » Par trois fois, elle répéta sa phrase. À la troisième fois, le Christ inclina sa tête sur sa poitrine. C'est chose avérée. Et depuis, il est resté dans cette posture. C'est pour remercier cette femme que le Seigneur Christ fit ce geste, et pour montrer à tous par un effet de sa grâce que cette femme était grandement sainte. Son fils, après être descendu de l'autel béni, entra dans la sacristie pour ôter ses ornements. Pendant qu'il les dépouillait, le confesseur lui dit « La femme à qui vous avez donné la communion est la mère qui vous a mis au monde. À moi, elle me l'a déclaré, mais à vous, elle ne le voulait dire, de crainte que vous n'en fussiez chagriné, vous et celle qui est votre propre sœur. » Avec une grande angoisse de joie, il courut à sa mère qui faisait sa prière au Seigneur Christ de tout cœur. Comme signe de reconnaissance du double pain qu'elle avait emporté, cette femme avait gardé un morceau, sans la moindre moisissure, aussi frais qu'au départ. Dans sa main, elle tenait un billet. Personne ne le lui pouvait arracher. Mais quand vint son fils prêtre, il le lui prit sans difficulté. Sur ce billet était écrite sa vie entière tout au long. Son fils se mit à le lire et chacun de s'extasier. « Hélas, ma pauvre mère, dit-il, je ne savais rien de tout cela. Je ne pouvais me douter que vous fussiez la mère dont je suis née. » D'amour et de navrement, ils moururent tous deux sur place. Leurs proches n'assistaient pas à l'événement. On leur fit porter la nouvelle. Ils étaient en train d'apprêter le repas et de disposer tout ce qui est nécessaire pour donner aux gens à dîner lorsque leur parvint cette nouvelle. La fille, dès les premiers mots, et aussi le mari laissèrent là toute chose à l'abandon, tant ils avaient de navrement au cœur. Ils se mirent en route pour l'église, mais ils moururent tous deux, ensemble, au milieu du chemin, et ce fut pour tout le monde une stupeur. De les voir le même jour mourir tous quatre, le père, la mère, les enfants. Voilà une aventure bien triste en vérité. Peu après, on les ensevelit pour les mettre en terre. À Guinevès, ils furent transportés, avec grand honneur et grand respect. Trois d'entre eux demeurèrent là pour y être enterrés avec grand respect. Le mari et son fils prêtre et la fille y furent enterrés. Mais la charrette où se trouvait la mère aimée ne fut pas plus tôt arrivée au cimetière que les bœufs firent un brusque détour. Personne ne les put arrêter. en sorte que les gens d'église recommandèrent de les laisser aller à leur guise, là où il plairait à Dieu que fût enterrée cette femme. Quand ils furent près du porche du cimetière de Locrist en Iselvet, les bêtes s'arrêtèrent net. Le chariot resta sur place. On descendit alors le cercueil du chariot sans difficulté, et les gens qui étaient présents à l'église le portèrent. Dans l'église, quand il entra, le Seigneur Christ désigna lui-même le lieu où il fallait l'enterrer, en le montrant du doigt à l'assistance. Là fut enseveli le corps de la femme, avec grand honneur et grand respect, dans la maison du Seigneur Christ béni. Au pied de sa croix, on l'enterra. Bien des années plus tard, on ouvrit cette tombe. On y trouva le cercueil aussi intact qu'au premier jour. Le cercueil alors fut tiré de la tombe sans dommage aucun, et depuis il est resté dans la maison du Seigneur Christ béni. On ne saurait écouter l'histoire que vous venez d'entendre psalmodier, à moins d'avoir l'insensibilité du tigre, sans en être ému jusqu'aux entrailles. Quand viendront les pauvres gens à votre porte, répondez-leur avec déférence, pour l'amour de Dieu, ils sont les membres de Jésus. Donnez de bon cœur l'aumône, soyez assidus à la messe, aux bonnes œuvres, aux prières, et Jésus vous récompensera. Pour conclure et terminer, du fond du cœur je vous prie de venir tous avec dévotion à la maison du Seigneur Christ au pardon. Là, tenez-le pour certain, il y a des reliques qui sont entre les plus belles du pays et qui ont une efficacité toute spéciale. Deux fois par an, on les porte en procession. À Pont-Christ, on les porte d'abord dans la maison de Madame Marie. À la fête de mai, entendez-le bien, puis à la fête du Christ, on les sort. Ainsi donc, ne manquez pas de venir à Locrist en Iselvet gagner des indulgences le 14 du mois de la paille blanche, septembre. Ce jour-là se célèbre la solennité du grand pardon en ce lieu. C'est pour nous une occasion de prier Jésus qu'il soit à notre égard miséricordieux. C'est là la traduction aussi littérale que possible d'une vieille guerre bretonne, jadis très répandue dans le pays de Morlaix, au pardon de Locrist en Iselvet. Il s'en débitait des milliers d'exemplaires imprimés en feuilles volantes. Au temps où fut composée notre guerre, ce pardon ne jouissait déjà plus de son antique faveur dans la dévotion populaire, si l'on en juge par la mélancolie du début et surtout par la naïve réclame de la fin. Toutefois, il a conservé quelques fidèles. Aussi la complainte trouve-t-elle encore à se vendre. La preuve en est qu'elle se réimprime. L'exemplaire que j'ai entre les mains a eu pour éditeur Lanoé, le successeur actuel de Lédan à Morlaix. Il est donc tout récent, malgré l'air ancien que prennent si vite toutes choses en Bretagne, et en particulier les publications sur papier d'étoupe à l'usage du peuple. Il a pour titre exact « O trou Locrist en Iselvet »« Seigneur de Locrist en Iselvet ». Au-dessus de cet intitulé, une gravure grossière représentant un Christ en croix dans un paysage de roches sur un fond de ciel sombre, avec cette légende au bas, « Bezit zanch eus ar vretonet »« Ayez souvenir des Bretons ». Suivant la croyance populaire, bien que la Guerre ne le dise pas explicitement, le mendiant que la femme négligea de secourir et le charpentier qu'elle rencontra sur le chemin à son départ de Rome n'était qu'un seul et même personnage. La moralité de l'histoire, c'est qu'il faut être charitable envers les pauvres. Aussi est-ce sous ce titre que M. Luzel en a donné une variante contée dans ses légendes chrétiennes, tome 2, page 201. Il est possible que la conteuse Marguerite Philippe ait entendu chanter la guerre, en ait oublié la forme rimée et ne se soit plus souvenue que du fond du récit. Toujours est-il que beaucoup de faits légendaires survivent ainsi dans la mémoire du peuple sous une double forme, ici récit en prose, plus loin ballade, selon les localités. Tel est le cas entre autres pour la légende de la fille qui pleurait trop sa mère, voire plus haut, il ne faut pas trop pleurer la naonne. Elle se retrouve presque identique dans les Guerres Iubres Iselle, tome 1, page 60. On peut se demander laquelle des deux formes est la plus ancienne, du récit en prose ou de la complainte. Est-ce la complainte dont le rythme a disparu? Est-ce le récit en prose que les poètes populaires ont exploité comme une matière à versification? Il serait bien difficile de se prononcer. L'une et l'autre thèse peuvent se soutenir avec une égale vraisemblance. Pour ce qui est de la Guerz qui nous occupe, il est certain que l'épisode de la pénitente, qui la remplit presque toute, n'a qu'un rapport très indirect avec le sanctuaire de l'Ochrist et les miracles dont on le glorifie. Il s'adapte tant bien que mal au cadre où on l'a fait entrer. La chapelle de l'Ochrist, commune de Plounévez, arrondissement de Morlaix, est un ancien prieuré de l'abbaye de Saint-Mathieu. Les vieux titres la désignent sous le nom de « Prioratus de loco Christi » ou encore « Humilioris arboris », ce qui traduit peut-être « en iselvette », si ce mot est une corruption de « en iselgaise », les bas arbres. Le site est gracieux et vert. La mer, toute proche, s'étale en une grande nappe miroitante dans l'anse de Goulven, à l'ouest, et borde, à l'est, l'étrange et pittoresque rivage du pays de Ploueska. Le sanctuaire actuel est un édifice sans caractère, reconstruit vers la fin du XVIIIe siècle. Quelques parties plus anciennes ont cependant été conservées, en particulier une tour et un porche qui doivent remonter à une date lointaine. Si l'on en croit la tradition, la chapelle primitive aurait été élevée sur le lieu où Fragan, père de Guénolé, défie les barbares qui ravageaient à cette époque le littoral du Léon. Elle est placée en tout cas au point où finissait l'archidiaconé de Léon et où commençait celui de Kémeret-Illy. Le ruisseau qui leur servait de ligne de démarcation coule au pied de l'Ochrist. La chapelle est entourée d'un cimetière où l'on n'enterre plus. On en a extrait naguère des sarcophages en pierre datant des premiers siècles de l'Église. Quant à la tombe de la pénitente dont il est question dans notre Guerz, j'ignore si elle existe réellement. Les gens du pays le tiennent pour certain et vous montrent une dalle funéraire encastrée dans le pavé de la chapelle au pied du crucifix. Gregica Rome, la petite femme qui fut à Rome, tel est le nom par lequel la tradition locale désigne la pénitente de l'Ochrist. Elle habitait, dit-on, au lieu-dit le Élan, sur la limite des communes de Plounévez et de Tréflèze, dans le Haut-Léon. Non loin de l'Ochrist se trouve le sanctuaire en ruine de Pont-Christ, dont il est également fait mention dans la complainte ci-dessus. On y voit encore un beau calvaire en granit qui porte la date de 1676. La princesse rouge. Vous connaissez l'île du château à l'entrée de Port-Blanc? Il y a plus de morts dans cette île qu'il n'y a de galets de Bruc à Bruguelaise. Ceci est l'histoire d'une morte qui fut conjurée en ce lieu voici bien longtemps. De son vivant, elle était princesse. Vous trouverez même des gens qui vous diront qu'elle avait nom A.S. et que c'était la propre fille de Gralon, le roi X. Peut-être est-ce vrai, peut-être est-ce faux. Toujours est-il que, même conjurée, elle avait pouvoir tous les 7 ans sur 7 lieues de terre ou de mer à la ronde. Je vais vous conter comment elle fut dépouillée de ce pouvoir. Mais sachez d'abord que son pouvoir était funeste. Il s'annonçait par une grande brume rouge qui s'élevait de la mer. De là, sans doute, le nom de la Dame Rouge que les pêcheurs avaient donné à la princesse. Venait ensuite un vent furieux qui dissipait la grande brume et bouleversait les flots jusque dans leur profondeur. Ces jours-là, les barques les plus audacieuses n'osaient se risquer au large. Même calfeutrés chez soi, à l'intérieur des maisons, on tremblait la fièvre d'épouvante. Comme des mèches de cheveux arrachées, des touffes de chaume s'envolaient des toits. C'était un terrible vent. Il s'engouffrait par le tuyau des cheminées comme une voix de géant en colère. On ne comprenait pas très bien ce qu'il disait, mais il avait certainement des mots très rudes, pareils à ceux d'un homme qui gronde. pour exorciser la princesse, cause de tout ce vacarme, on avait fait célébrer plus d'une messe noire à Notre-Dame de Port-Blanc par les prêtres réputés les plus habiles. Peine perdue. Tous les 7 ans, c'était même bruit sauvage, même fureur déchaînée. On avait fini par en conclure qu'il n'y avait, ni de la part des hommes, ni de la part de Dieu, aucun moyen de tranquilliser la princesse et de la rendre inoffensive. Sur ces entrefaites, une pauvresse de la côte gagna un soir l'île du château à l'intention d'y pêcher des ormeaux, halieutides, à la basse marée de nuit. Elle dut attendre quelque temps que les roches fussent découvertes. N'ayant rien de mieux à faire, elle se mit à égrener son chapelet, car c'était une femme dévote et qu'à cause de cela on avait surnommée dans le pays Fontes Arpedenu, Françoise les prières. Elle en était au 3e dizain quand tout à coup, s'étant retournée par hasard, elle vit, à la place de l'énorme rocher qui domine l'îlot, une chapelle haute et grande comme une église de canton et dont les vitraux étaient splendidement éclairés. Elle se leva, laissant là ses engins, et courut à la porte de la miraculeuse chapelle. Sur les vantaux était tracée, en caractère d'or, flamboyante, une inscription bretonne. Or, Fontes savait lire le breton. Il n'est pas rare, aujourd'hui encore, de trouver en Basse-Bretagne des paysannes qui lisent couramment la vie des saints en breton et qui, mises en présence d'un livre écrit en français, ne savent plus assembler leurs lettres. L'inscription disait « Si, par le trou de la serrure, tu peux regarder sans être vu, il te sera donné de faire un grand bien à toi et à tes proches. » La femme hésita d'abord, puis « Ma foi, pensa-t-elle, regardons toujours. » Et elle appliqua un de ses yeux au trou de la serrure. Elle vit la princesse qui lui tournait le dos s'acheminer vers l'autel dressé dans le cœur au milieu d'une gloire d'or. Elle voulut soulever le loquet de la porte, mais il était rivé. Alors, elle se mit à faire le tour de la chapelle en dehors. Elle arriva ainsi à une 2e porte sur laquelle il était écrit « Si tu veux entrer, va cueillir à 3 pas d'ici dans le buisson 2 brins d'herbe blanche que tu disposeras en croix dans le creux de ta main droite. » Elle fit ce qui était recommandé, revint à la chapelle et lut sur une 3e porte « Entre maintenant, tous les trésors qui sont ici t'appartiennent. De plus, il ne dépend que de toi de conjurer la princesse et l'empêcher désormais de nuire. » Fontes entra. La princesse, debout sur les marches de l'autel, se détourna au bruit que firent en sonnant sur les dalles les sabots de la pauvresse. « Que me veux-tu ? » s'écria-t-elle d'un ton courroucé. « T'empêcher de nuire, si tel est mon pouvoir, » répondit Fontes avec calme. « Du moment que tu es ici, c'est que ta volonté est plus forte que la mienne. Je suis en ta possession. Relègue-moi aussi loin qu'il te plaira. Où tu me diras d'aller, j'irai. Voici les clés de l'étang que j'ai fait construire en pierre de taille. Toutes mes victimes sont là, je te les abandonne. Je t'abandonne aussi mes trésors. Tâche d'en faire bon usage. » Ce disant, elle tendit à Fontes Arpedenu un trousseau de clés étincelantes. La pauvresse s'essuya les mains dans son tablier à plusieurs reprises avant d'oser toucher à ces clés merveilleuses. Elle les prit cependant et fit avec elles le signe de la croix. « Où m'enjoins-tu de me rendre ? » demanda la princesse. « Plus loin que la terre et plus loin que la mer, » dit Fontes. La princesse aussitôt s'évanouit dans l'air. Depuis, on n'a jamais entendu parler d'elle. En même temps s'écroulèrent sans bruit et sans laisser de traces les murailles de la chapelle étrange. Fontes Arpedenu se trouva devant un étang construit et pavé en pierre de taille. L'eau y était claire, lumineuse. Çà et là des cadavres flottaient, la face tournée vers le ciel. Parmi les plus rapprochés du bord, Fantès reconnut deux hommes du pays qui avaient été noyés un jour de tempête l'année d'auparavant, sans qu'on sût au juste dans quel parage. Une vanne d'acier fermait l'étang. Avec une des clés, la pauvresse ouvrit cette vanne. L'eau se précipita écumante vers la mer. Les noyés se levèrent comme ressuscités, et Fantès les vit s'éloigner en chantant des cantiques par le chemin des flots où ils marchaient paisiblement comme autrefois Jésus. Quand toute l'eau se fut écoulée, le fond de l'étang apparut à Fantès couvert de pièces d'or. Elle en ramassa autant qu'elle en put porter et revint à sa maison. Le lendemain, dès la première heure, elle courut à confesse. « Que ferai-je de tout cet or ? » demanda-t-elle au prêtre, après lui avoir conté son aventure. « Vous ferez dire des messes pour les âmes qui en ont besoin, » répondit le confesseur, « et vous distribuerez l'aumône aux vivants. » Comté par Marie-Hyacinthe, Toulousain, Port-Blanc. L'île du château commande à l'ouest l'entrée du port blanc. On y voit encore les ruines d'anciennes fortifications. Elle est dominée par des masses de rochers qui peuvent compter parmi les plus imposantes de la côte trégoroise. La partie basse forme une sorte de pré-marin qui, en plus d'une circonstance, a servi de cimetière à des cadavres, à des épaves humaines jetées là par les flots. Les sépultures y sont marquées à l'aide de quelques pierres grossièrement plantées dans le sol de manière à figurer une croix. On comprend sans peine que ce soit un séjour de revenants. C'est, de plus, une île à trésors. Les habitants de la région sont convaincus que des barriques d'or y sont enfouies. De là, tout un cycle de légendes. Le marquis de Pontlaize. Le marquis de Pontlaize, en Quéménévin, avait été pendant sa vie le plus fantasque et le plus violent des hommes. On raconte de lui des inventions abominables, comme, par exemple, le jour où, ayant entendu le tailleur qui l'employait se plaindre qu'il n'y eut pas assez de beurre dans la bouillie, il l'y fit planter tout nu, la tête la première, puis ordonna de lui mettre le beurre à fondre dans un endroit que, sauf votre respect, je ne puis nommer. Il mourut pourtant, et ce fut un grand soulagement dans le pays. Mais on ne tarda pas à s'apercevoir que la mort même n'avait pas eu raison de sa malice, car il ne cessa de revenir la nuit chercher noises à ses gens et à ses fermiers. Force fut de le réduire par les moyens magiques. On alla donc trouver le recteur de Quéménévin, qui était alors M. Quatemain, prêtre réputé pour sa science des choses de la sorcellerie. « C'est bien, répondit-il, l'affaire sera chaude. Tom vo antrau, mais je m'en charge. » Il passa, dit-on, 7 nuits consécutives à batailler avec le mort. Et, quand il entra le dimanche matin à l'église pour dire sa messe, sa soutane n'était plus qu'un haillon et son corps, de gras qu'il était devenu mince comme un manche de fléau. « J'ai eu fort à faire avec lui, » déclara-t-il au prône. « Mais maintenant, le voilà tranquille dans l'étang de Poulalec, pour jamais !» Cet étang de Poulalec était sur les terres de Pontlaize, au bord de la grande route. Chaque fois que Don Quatemain venait à passer par là, dans la suite, le marquis soulevait la tête hors de l'eau comme une grenouille pour le regarder. « Vous êtes donc toujours là, monsieur le marquis ?» demandait le recteur. « Comme vous voyez. Et qu'est-ce que vous y faites ?»« Vous le savez mieux que personne, puisque c'est vous qui m'y avez mis. Si c'est ainsi, donnez-moi donc un peu de feu pour allumer ma pipe. » « Volontiers. » Don Quatemain trempait dans l'eau le bout d'une petite gaule blanche, ensorcelée, dont il se servait comme d'une canne, et aussitôt la gaule prenait feu, en sorte qu'il y allumait sa pipe ni plus ni moins qu'à un tison. Ah, le marquis de Pontlaize, si marquis fut-il, avait trouvé son maître dans le recteur de Quéménévin. Comté par Le Bras, aubergiste, Kéménévin. Un de mes camarades d'enfance, se rendant à l'école au bourg de Pleyben, par des chemins boueux, un jour d'hiver qu'il pleuvait à verse, fit rencontre d'un homme tout en sueur qui traînait en laisse un énorme chien noir. Le chien trottait dans la boue, mais en dépit de sa corpulence et de sa lourdeur, n'y laissait aucune empreinte visible. C'était une âme méchante, une inedruk, que l'on conduisait au Ménez Arré. Joseph Morvan, sacristain, Colorec. Le conjuré de Tadik Koz. Ceci se passait au temps où Tadik Koz était recteur de Bégard. Tadik Koz s'appelait de son vrai nom Monsieur Guillermic. C'était un curé à la mode d'autrefois, un brave vieux bonhomme qu'on rencontrait plus souvent par les chemins et dans les champs qu'au presbytère. Des montagnes d'Arrée à la mer grande, il était connu d'un chacun. Il avait une charité d'âme extraordinaire. Et, comme Jésus-Christ, ceux qu'il aimait le plus, c'étaient les petites gens, les pauvres paysans, les journaliers, les pâtres. Moi qui vous parle, je l'ai connu. Je l'ai connu longtemps, et je ne l'ai connu que vieux. J'ai entendu raconter qu'il était plus vieux que la terre, qu'il était mort 10 fois, et que 10 fois il était ressuscité. Je puis vous faire son portrait. Il avait le dos voûté, les cheveux longs et blancs. On aurait su dire si sa figure était d'un vieillard ou bien d'un enfant. Il riait toujours et goguenardait volontiers. Sa soutane était faite de pièces et de morceaux, comme on dit, mais il y avait encore plus de trous que de morceaux. Dès le matin, sa messe dite, il partait en tournée. On le bonjourait au passage. Il s'arrêtait, engageait la conversation par une phrase toujours la même. « Kontet din hostad va bugel ?»« Me eo hotad, hotadikoz ?» « Comptez-moi votre état, mon enfant, c'est moi qui suis votre père, votre vieux petit père. » C'est pour cela qu'on avait fini par ne l'appeler plus que Tadik Koz, vieux petit père. On l'aimait et on le vénérait, on le craignait aussi, car ce n'était pas seulement un bon prêtre, c'était encore un prêtre savant à qui Dieu, disait-on, avait donné autant de pouvoir qu'au pape. Les gens qui connaissent quelque peu les choses de ce monde se croient de grands magiciens. Tadik Koz, lui, possédait à la fois tous les secrets de la vie et tous les secrets de la mort. On prétend que, de temps en temps, il passait la tête dans le soupirail de l'enfer, demeurait penché sur l'abîme et conversait avec les diables. Toujours est-il que, pour célébrer l'Offendrantel, il n'avait pas son pareil. On le venait consulter de tout le pays breton et même du pays gallo. Quand il ne pouvait sauver une âme, au moins l'obligeait-il à se tenir en repos. Jamais il n'y a eu de prêtre sachant conjurer comme Tadik Koz. Je vais à ce propos vous raconter une histoire que je tiens de l'individu même à qui elle arriva. Il était soldat de Louis-Philippe, en garnison à Lyon-sur-Rhône, bien loin d'ici, comme vous voyez. Ayant obtenu un congé d'un mois, il voulut se montrer en uniforme aux gens de son pays et prit la diligence de Bretagne. Dans ce temps-là, il n'y avait pas encore de chemin de fer. La voiture le déposa à Belle-Île-en-Terre. De là à Trézélan, son village, il avait à faire encore 3 bonnes lieues. Mais qu'est-ce que 3 lieues pour un soldat qui rentre au pays? Il se mit en route d'un pied leste. Comme il passait au Ménez-Bré, il croisa un vieux prêtre qui avançait péniblement, la taille courbée en deux, et menait en laisse un chien noir, un affreux barbet. « Eh, mais !» s'écria le soldat du plus loin qu'il le vit venir. « C'est Tadik Koz! C'est ce bon Tadik Koz! Bonjour, Tadikoz. Bonjour, mon enfant. Vous ne me reconnaissez donc pas, Tadikoz. C'est que ma vue baisse, mon enfant. Je suis Jobik Andrés, de la ferme de Quatfo, en Trézélan. C'est vous qui m'avez baptisé, Tadikoz, et qui m'avez fait faire ma première communion. Oui, oui, ta mère est Gaud Arvran. Elle sera bien contente de te revoir. Et, ajouta le vieux prêtre après une courte hésitation, tu es sans doute pressé d'arriver à Quatfo. Dame, oui, Tadikoz, je ne serais pas fâché d'être rendu. Mais pourquoi me demandez-vous cela? C'est que, si tu avais eu le temps, il y a là ce vilain barbet qu'il faut que je conduise au recteur de Louargat, et mes jambes sont si vieilles qu'elles branlent sous moi. Je ne sais en vérité si j'aurai la force d'aller jusqu'au bout. Mon ami Jobik sentit son cœur s'attendrir de pitié. C'était pourtant vrai que le pauvre Tadikoz paraissait exténué de fatigue. Sapristi, il faut que ce soit pour vous, Tadikoz. Donnez-moi la laisse de ce chien, je le conduirai au recteur de Louargat. Je tourne le dos à Trézélan, mais n'importe, on ne refuse pas un service à Tadikoz. Retournez en paix à votre presbytère. Peut-être rencontrerez-vous quelqu'un des miens sur la route. Annoncez que je ne rentrerai pas avant la tombée de la nuit. Ma bénédiction sur toi, mon enfant. Et Tadikoz de remettre à Jobik Andrés la laisse du chien noir. La hideuse bête voulut grogner d'abord, mais Tadikoz lui imposa silence en marmottant quelques paroles latines, et elle ne fit plus de difficulté de suivre son nouveau conducteur. Une demi-heure après, Jobik frappait à la porte du recteur de Louargat. « Sauf votre respect, monsieur le recteur, voici un chien que Tadikoz m'a prié de vous ramener. » Le recteur regarda Jobik Andrés d'un air tout drôle. « C'est volontairement que tu t'es chargé de cette commission ? Sans doute, histoire de faire plaisir à Tadikoz. Eh bien, mon garçon, tu n'es pas au bout de tes peines. Qu'entendez-vous par là ? Tu verras ça. En attendant, vide-moi ce verre de vin. Il te faut des jambes pour aller jusqu'à Belle-Île. »« Comment jusqu'à Belle-Île ? » s'écria Jobik Andrés. « Vous moquez-vous de moi ? Voilà votre barbet, gardez-le. » Faites-en ce qu'il vous plaira. Moi, je m'en vais à Trézélan. Sans Tadikoz, j'y serai déjà. Bonjour et bonsoir, monsieur le recteur. Ta, ta, ta, mon garçon. Des barbets du genre de celui-ci, quand on en a pris la charge, on ne les plante pas ainsi au premier tournant de route. Si par malheur tu lâchais ce chien, c'en serait fait de toi. Ton âme serait condamnée à prendre la place de l'âme mauvaise qui est en lui. Vois si cela te convient. « Ce chien n'est donc pas un chien ?» murmura Jobik subitement radouci et même un peu pâle. « Eh non, c'est quelque revenant malfaisant que Tadikoz aura conjuré. Regarde comme ses yeux étincellent !» Pour la première fois, Jobik examina le chien d'un peu près. Il remarqua qu'en effet, il avait des yeux extraordinaires, des yeux de diable. « N'empêche, » murmura-t-il, « c'est un vilain tour que Tadikoz m'a joué là. »« Ce que tu as de mieux à faire, désormais, c'est d'en prendre ton parti, » dit le recteur de Louargat. « Ainsi, je dois maintenant me rendre à Belle-Île ?»« Oui, tu iras trouver mon confrère, et tu diras que c'est moi qui t'envoie. »« Allons, » soupira Jobik, « puisqu'il faut, il faut. » Et le voilà en route pour Belle-Île, faisant à rebours le chemin qu'il avait parcouru quelques heures plus tôt. Il chantait gaiement alors, tandis qu'à présent, il se sentait triste plus que le bon Dieu de Plumeur. Dicton bas breton, il y a dans l'église de Plumeur Gautier un Christ en croix qui a, en effet, la plus piteuse expression qui puisse se voir. Le recteur de Belle-Île le reçut avec une grande affabilité. « Mon garçon, lui dit-il, « la nuit arrive, tu vas coucher ici ce soir. Demain matin, tu continueras ton voyage. »« En vérité, » s'exclama Jobik Andrés, « ce n'est donc pas pour vous non plus, le chien ?»« Non, mon ami. » Jobik eut grande envie de se fâcher tout rouge cette fois, mais son regard ayant rencontré celui de la bête maudite, il se laissa tomber sur une chaise et fondit en larmes. « Quand on pense, sanglota-t-il, que j'aurais pu être à table maintenant chez mes vieux, dans la cuisine de Coitefaux. » Console-toi, lui dit le recteur. Je n'ai pas l'intention de te laisser mourir de faim. Donne-moi la corde de l'animal que j'enferme celui-ci dans la cave. Toi, va souper et tâche de bien dormir. N'ayant pas mangé de la journée, Jobbik fit honneur au repas, malgré son chagrin, et, quand il fut au lit, il dormit d'un sommeil de plomb. Le lendemain matin, ce fut le recteur en personne qui le vint réveiller. « Debout, camarade! Le soleil est déjà levé, le barbet se démène et hurle. Allons, en route! Tâche d'arriver pour déjeuner au presbytère de Gurunuel. Tu diras au recteur que tu viens de ma part. » Et Jobbik Andrés de déguerpir. Que voulez-vous? Il fallait bien qu'il subisse ce qu'il ne pouvait empêcher. Nous ne le suivrons pas de presbytère en presbytère. Le recteur de Gurunuel l'adressa au recteur de Calac. Le recteur de Calac au recteur de Maëlcarré, le recteur de Maëlcarré à celui de Trébirvan, etc., etc. En 2 jours, il visita une douzaine de maisons de curés, bien accueillis d'ailleurs dans chacune. Partout, il trouvait bon vin, bon repas et bon gîte. Cela l'ennuyait tout de même, d'abord parce qu'il se demandait avec terreur s'il y aurait jamais un terme à ce singulier voyage. Ensuite, parce que c'était vexant d'être un objet de curiosité pour les gens que son passage attirait sur le seuil des portes et qui paraissaient fort intrigués de ce que pouvait bien être ce soldat traînant ce chien. Le 3e jour, vers midi, il entrait chez le recteur de Comana, tout là-haut dans les monts d'Arrée. D'après une autre tradition, c'est le recteur de Saint-Rivoal qui accompagne en dernier lieu le meneur d'âme. « Sauf votre respect, « Monsieur le recteur, voici un chien !» C'était la 13e ou 15e fois qu'il prononçait cette phrase. Il en était arrivé à la débité du ton piteux dont un mendiant implore l'aumône. Le recteur de Comana l'interrompit. « Je sais, je sais. Fais-toi servir un verre de cidre à la cuisine. Il faudra que tu sois en état, ce tantôt, de me donner un bon coup de main. » Car la bête n'a pas l'air commode. Si c'est pour me débarrasser d'elle, enfin, s'écria Jobbik, n'ayez pas peur, je vous vaudrai un homme. Tiens-toi prêt dès que je te ferai signe, mais il faut attendre le coucher du soleil. À la bonne heure, pensa Jobbik Andrés, voilà un langage que je comprends. Il n'y comprenait pas grand-chose, à vrai dire, sinon que le plus dur restait à faire, mais aussi que, cela fait, il serait libre. Au coucher du soleil, il s'entendit héler par le recteur. Celui-ci avait revêtu son surplis et passé son étole. « Allons, dit-il, surtout, prends garde que l'animal ne t'échappe. Nous serions perdus l'un et l'autre. »« Soyez tranquille, répondit Jobbik Andrés, en assujettissant la corde à son poignet, solidement. » Les voilà partis tous les trois, le recteur marchant devant, puis venait Jobbik et, derrière lui, le chien. Ils allaient à une grande montagne sombre, bien plus haute et plus sauvage que le Ménez Bré. Tout alentour, la terre était noire. Il n'y avait là ni herbe, ni lande, ni bruyère. Cette montagne, c'est le mont Saint-Michel en Braspar, Finistère, le sommet le plus élevé de la chaîne bretonne. 391 mètres. À sa base, au fond d'une cuvette immense, s'étend un marais, ou plutôt une vaste tourbière marécageuse, désignée sous le nom de Yeun Élez, et qui est quelque chose comme l'Orcus breton. On dirait en été d'une steppe sans limite aux nuances aussi changeantes que celles de la mer. On y marche sur un tapis élastique tressé d'herbes, de bruyères, de joncs. À mesure que l'on avance, le terrain se fait de moins en moins solide sous les pieds. Bientôt, on enfonce dans l'eau jusqu'à mi-jambe, et lorsqu'on arrive au cœur du Yeun, on se trouve devant une plaque verdâtre, d'un abord dangereux et de mine traîtresse dont les gens du pays prétendent qu'on n'a jamais pu sonder la profondeur. C'est la porte des ténèbres, le vestibule sinistre de l'inconnu, le trou béant dans lequel on précipite les conjurés. Cette flaque est appelée le yudik, la petite bouillie. Parfois, son eau se met à bouillir. Malheur à qui s'y pencherait à cet instant. Il serait saisi, entraîné, englouti par des puissances invisibles. D'autres fois, de furieux abois de meute se font entendre dans la nuit. C'est le peuple des conjurés qui fait des siennes. Mais Saint-Michel, du haut de la montagne, abaisse son glaive flamboyant vers le yeune et tout rentre dans l'ordre. Sant Nicel Vraz a roi rentu, dam perioual a blésidu. Le grand Saint-Michel connaît la manière d'empêcher de hurler les loups noirs. Une chapelle dédiée à l'archange couronne en effet le sommet de la montagne qui porte son nom. Arrivé au pied de la montagne, le recteur s'arrêta un instant. « Nous entrons dans le Yonélèze, le marais des roseaux, » dit-il à Jobic. « Quoi que tu entendes, ne détourne pas la tête. Il y va de ta vie en ce monde et de ton salut dans l'autre. Tu tiens bien l'animal au moins. »« Oui, oui, monsieur le recteur. » Le lieu où il cheminait maintenant était triste, triste. C'était la désolation de la désolation. Une bouillie de terre noire détrempée dans de l'eau noire. « Ceci doit être le vestibule de l'enfer, » se disait Jobic Andrés. On ne fut pas plus tôt dans ses fondrières que le chien se mit à hurler lamentablement et à se débattre avec frénésie. Mais Jobic tenait bon. Plus on avançait, plus la maudite bête faisait de bonds et poussait de « you, you ». Elle tirait tellement sur la corde que Jobic en avait les poings tout ensanglantés. N'importe, il tenait bon. Cependant, on avait atteint le milieu du Yonélèze. « Attention !» murmura le recteur à l'oreille de Jobic. Il marcha au chien et, comme celui-ci se dressait pour le mordre, whoop, avec une dextérité merveilleuse, il lui passa son étole au cou. La bête eut un cri de douleur atroce, épouvantable. « Vite, à plat ventre et la face contre terre !» commanda le recteur à Jobic en prêchant d'exemple. À peine Jobic Andrés s'était-il prosterné qu'il entendit le bruit d'un corps qui tombe à l'eau, et aussitôt ce furent des sifflements, des détonations, tout un vacarme enfin. On eût juré que le marais était en feu. Cela dura une demi-heure. Puis tout rentra dans le calme. Le recteur de Comana dit alors à Jobic Andrés : Retourne maintenant sur tes pas, mais ne manque point de t'arrêter dans chacun des presbytères où tu es entré en venant. À chaque recteur, tu diras : Votre commission est faite. Cette fois, Jobic ne se fit pas prier pour se remettre en chemin. Tout au long de la route, il chanta, heureux de n'avoir plus de chien à traîner, heureux aussi d'aller vers Trézélan. Il chemina de bourgade en bourgade, de presbytère en presbytère, tant et si bien qu'il arriva enfin chez le recteur de Loirgat. « Ah, te voilà, mon garçon, » dit le recteur. « Eh bien, va trouver Tadikkoz, il est impatient de te revoir. » « Tadikkoz !» À ce nom, Jobic Andrés sentit sa colère lui revenir. Certainement, il irait le trouver, ce Tadikkoz, et, par la même occasion, il lui apprendrait. Ce fut au contraire Tadikkoz qui lui apprit une chose qui l'étonna fort. Ce conjuré que Jobic Andrés avait conduit au Yonélèze, devinez qui c'était. Son propre grand-père. Depuis sa mort, arrivé quelques mois auparavant, le vieux ne cessait de faire des siennes à Coitefaux et dans la région. Pour venir à bout de lui, il avait fallu recourir à la science de Tadikkoz, en sorte que Jobic Andrés, après avoir été mystifié par le vieux prêtre, se trouvait encore être son obligé. Conté par Baptiste Geffroy, Pinvénan, 1886. On se persuadait encore, il y a peu d'années, que des êtres coupables, métamorphosés en barbets noirs, étaient menés jusqu'à Brasparts. Le curé confiait le chien noir à son valet qui le conduisait dans un lieu retiré. Le chien disparaissait en ce moment. La terre au loin tremblait. Des feux s'élevaient du sein des rochers. Le ciel couvert d'affreux nuages fondait en grêle. Le tonnerre grondait. Cambry, voyage dans le Finistère. Dans le Cap Sizun, il est de tradition constante qu'autrefois, on conduisait au récif de Thévennec, Garec Tobinok, dans le Ras de Saint, tous les conjurés de la région. Il y avait une barque spéciale affectée à leur transport. Et ce sont eux, paraît-il, que dans les nuits de tempête, on entend pousser des « youhs » lamentables au loin dans la mer. Il y a aujourd'hui un phare au Thévennec. Une nuit, un des gardiens, profitant de ce qu'il n'était pas de service, était descendu pêcher à la ligne sur le bord du rocher. Tout à coup, il se sentit rudoyé par une main invisible, tandis qu'une voix en colère disait « Kers de Svaflas, retire-toi de ma place !» C'était un conjuré que sa présence dérangeait. Conté par Gaïd Alain, Plogoff. La fille à la robe rouge. Au bourg de Plogonec, en Cornouailles, il y avait une riche pénérèse. Marie-Jeanne Pérennoux était son nom. Elle était très recherchée par les épouseurs. En fin de compte, elle adopta pour son préféré Joseph Rumeur, du village de Kerlestre, et les noces furent fixées. Dans ce temps-là, les jeunes filles de ce pays se mariaient en rouge. Marie-Jeanne Pérennoux se fit faire une robe d'écarlate magnifique, brodée de fleurs d'or et garnie de galons d'argent. La coquetterie était son péché, et son confesseur l'en avait réprimandée plus d'une fois. Le jour de la noce venue, toute la paroisse se rangea sur le passage du cortège pour admirer la pénéresse en son costume sans pareil. Et c'était des « oh » et des « ah !» Mais les vieilles personnes hochaient la tête en disant « Quand on se fait si belle pour entrer en ménage, c'est sûr qu'on n'a pas longtemps à vivre heureuse !» Et le dicton se vérifia, en effet, pour Marie-Jeanne Pérennoux. Car, après avoir donné le jour à son premier enfant, elle fut prise d'une fièvre maligne et trépassa, dans toute la fleur de sa jeunesse, au grand navrement de son mari qui l'adorait. Joseph Rumeur fut inconsolable. Le jour, il vaquait aux travaux de la ferme comme d'habitude, mais le soir, quand sa mère qui était venue tenir sa maison et tous les domestiques étaient couchés, il s'asseyait dans le coin de l'âtre et restait là, de longues heures, à se remémorer celle qu'il avait perdue et à déplorer le triste sort qui était le sien, maintenant qu'il n'avait plus de femme. Seul avec lui-même, il pouvait, du moins, se livrer à sa douleur. Quelquefois, à force de pleurer, il lui arrivait de s'endormir sur l'escabeau du foyer, les pieds dans la cendre. Une nuit qu'il s'était ainsi laissé surprendre par le sommeil, il rêva que la porte de la cuisine s'ouvrait et que sa femme entrait, toute pâle, drapée dans un linceul souillé de boue. Il se frotta les yeux et s'aperçut soudain que ce qu'il s'imaginait être un rêve n'en était pas un. Sa femme était devant lui en réalité. Il la vit s'acheminer tranquillement vers l'armoire où, de son vivant, elle avait ses vêtements et son linge, tourner la clé dans la serrure, écarter les deux battants qui grincèrent avec bruit et sortir du tiroir dans lequel on l'avait religieusement pliée pour jamais la splendide robe rouge qu'elle s'était fait faire comme parure de noces, ainsi que les autres atours qui complétaient son costume de jeune mariée. Elle disposa chaque pièce sur le petit banc au pied de l'armoire, puis se mit à les revêtir une à une. Lui la regardait faire sans mot dire et n'osant bouger. Une fois habillée, elle alla se camper devant la glace près de la fenêtre pour mettre sa coiffe de dentelle. Il la vit sourire avec complaisance à son image qui était pourtant peu séduisante, puisque c'était l'image d'une morte et d'une enterrée. Après quoi, elle commença de marcher à travers la maison. Elle se dirige vers moi, elle va me parler, se disait Joseph Rumeur. Et, dans sa poitrine, son cœur sautait avec force. Mais, arrivée près de l'âtre, elle ne fit même pas mine de s'apercevoir qu'il y eut là quelqu'un et, tournant les talons, reprit sa promenade en sens inverse. Elle n'était occupée que de balancer élégamment sa taille, de rodéal, marcher en se dandinant, comme on dit, et de s'assurer par-dessus son épaule si sa robe derrière elle faisait bien. Or, il faut croire qu'elle se trouvait pimpante à souhait, car, tout en allant et venant de la sorte, elle ne cessait de répéter « Jésus, mets aux fichettes, Jésus, mets aux braves, Jésus, que je suis bien mise, Jésus, que j'ai jolie tournure. » Quand son heure fut écoulée, c'est-à-dire le temps qui lui était accordé, elle se déshabilla comme si de rien n'était et disparut sans même avoir donné un coup d'œil au berceau où dormait son enfant. Et cela contrista Joseph Rumeur plus encore que l'indifférence qu'elle avait montrée envers lui. Le lendemain, il se demanda « Savoir si elle reviendra ce soir. » Et, moitié pour se prouver qu'il n'avait pas rêvé les yeux ouverts, moitié parce qu'il ne se souciait plus autant de rester seul au coin du feu, il pria un des valets de veiller avec lui, sans cependant lui dire de quoi il s'agissait. Ils s'assirent donc l'un en face de l'autre, burent quelques écuellées de cidre, échangèrent quelques propos, puis, Rumeur étant partie dans ses songeries habituelles au sujet de la morte, la conversation tomba. « Pour ce que je fais ici, je serais bien mieux dans mes draps, » se disait le domestique qui se sentait gagné par le sommeil. Et le maître, qui mesurait le temps à son impatience, se disait de son côté « C'est peut-être à cause que j'ai un étranger avec moi qu'elle tarde tant à venir. » Il se trompait, car, au coup de minuit sonnant, la porte de nouveau s'ouvrit. De nouveau Marie-Jeanne, la défunte, entra. De nouveau, elle recommença son manège de la veille. Et, pas plus que la première fois, elle ne fit attention aux êtres du logis, uniquement occupée, cette fois encore, de s'admirer elle-même dans sa belle robe. « Jésus, mets aux fichettes, Jésus, mets aux braves !» Joseph Rumeur, quand l'apparition se fut évanouie, interpella le garçon de labour. « Eh bien, tu as vu et entendu, n'est-ce pas ?»« Quoi donc ?» fit celui-ci en sursautant sur son siège. Le pauvre homme, comme il est naturel pour quelqu'un qui a besogné au champ toute la journée, s'était si profondément endormi, à l'insu de son maître et malgré sa propre volonté, que ni les allées et venues de la morte, ni le grincement des meubles ne l'avaient ému. « Quoi donc ? » répéta-t-il la bouche pâteuse. « Rien, rien, » répondit Rumeur, « sinon qu'il est plus que temps de vous mettre au lit. » Et il congédia l'homme. Mais lui-même, au lieu de se coucher, attendit sur pied la pointe de l'aube et, dès le petit crépuscule matinal, courut se poster à l'entrée du cimetière pour y guetter le recteur de Plogonec lorsque celui-ci viendrait dire sa messe. Le recteur de Plogonec était un savant prêtre, aussi familier avec les choses de l'autre monde qu'avec celles de ce monde-ci. Il écouta sans en perdre un mot le récit de Joseph Rumeur. « C'est parfait, » prononça-t-il quand l'autre eut terminé. « Ce soir, c'est moi qui vous tiendrai compagnie. Mais dites-moi, vous rappelez-vous ce que votre femme de son vivant aimait le mieux en fait de boisson ?»« Mon Dieu, monsieur le recteur, le dimanche, lorsqu'il venait des gens nous voir, pour trinquer avec eux, elle buvait volontiers un petit verre d'eau de vie. » Elle prétendait que ça lui coulait comme du velours dans l'estomac. Très bien. Préparez donc une bouteille d'eau-de-vie et 3 verres que vous disposerez sur la table. J'arriverai vers les 10 heures, mais surtout que personne ne soit prévenu de rien et, quoi que je dise ou que je fasse, n'en ayez aucun étonnement. À ces conditions, je vous promets que je viendrai à bout d'elle. » Joseph Rumeur regagna la maison l'esprit plus tranquille. Tout le jour, il travailla au champ avec les domestiques et, sitôt le souper fini, congédia son monde. La bouteille d'eau-de-vie était dans le fond du vaisselier. Il l'en tira, la mit sur la table et plaça à côté d'elle 3 verres propres, ainsi que le recteur l'avait recommandé. Celui-ci fut exact. Il arriva en surplis, une étole noire au cou, et tous deux veillèrent ensemble. Sans cesse, ils tournaient les yeux vers la porte. Enfin, un peu avant minuit, ils la virent s'ouvrir et Marie-Jeanne parut. Elle alla droit à l'armoire, y prit la robe rouge, s'habilla, se coiffa, se pavana, bref, se livra au même simagré que les soirs précédents. Ou bien elle n'avait pas remarqué la présence du prêtre, ou bien elle n'en concevait point d'ombrage. Lui, cependant, s'était levé, et, se plantant en face de la morte, « Bonjour, Marie-Jeanne. »« Bonjour, monsieur le recteur, c'est donc vous ?»« Pour vous servir, Marie-Jeanne, dans la mesure de mes moyens. Comment vous trouvez-vous dans l'autre monde ?»« Mais assez bien, monsieur le recteur, » répondit-elle avec quelque hésitation. Vous avez néanmoins conservé du goût pour ce monde-ci, ce me semble. Est-ce que cela ne vous ferait pas plaisir de prendre un petit verre d'eau-de-vie avec nous ? Ma foi, ce n'est pas de refus. Le recteur aussitôt de verser de la boisson dans les 3 verres. Il en tendit un au mari, garda le second pour lui-même et avança celui qui restait jusqu'au rebord de la table. « Allons, Marie-Jeanne, dit-il, approchez-vous que nous trinquions. » Elle regardait avec des yeux brillants le verre qui était pour elle, mais ne faisait pas un mouvement pour le saisir. « Passez-le-moi, monsieur le recteur, pria-t-elle. « Nenni, j'entends que vous le preniez vous-même. » Et, comme elle ne bougeait toujours pas, « Peut-être trouvez-vous qu'il n'est pas suffisamment à votre portée, dit-il. » Il enleva le verre du dessus de la table et le mit à terre devant la morte, presque à ses pieds. « Là, Marie-Jeanne, je pense qu'il est maintenant assez prêt. « Donnez-le-moi dans les mains, insista-t-elle. « Non, dit le recteur, puisque vous faites l'obstiné, je serai aussi têtu que vous. » Le temps cependant passait et la morte, sentant venir minuit, qui était pour elle l'heure prescrite, commençait à s'énerver. Elle se doutait bien que le prêtre manigançait contre elle quelque chose, mais, d'autre part, elle respirait l'odeur de l'eau-de-vie, de cette eau-de-vie qu'elle avait naguère aimée par-dessus tout, et elle brûlait d'envie d'y goûter une fois encore. Finalement, la tentation fut chez elle plus forte que la crainte. Elle se pencha pour attraper le verre. C'était précisément ce que le recteur attendait. Elle n'eut pas plutôt la tête baissée que d'un geste brusque, il la lui emprisonnait dans son étole. « Je vous tiens, Marie-Jeanne Pérennoux, » s'écria-t-il. Puis, très vite, et lui serrant le cou de plus en plus, il se mit à débiter des mots latins. La femme hurlait, se débattait, bondissait, et, à mesure que le prêtre précipitait son oraison, perdait peu à peu sa forme, se changeait en une sorte de monstre méconnaissable pour revêtir en fin de compte l'aspect d'un grand chien noir, aussi noir que la soutane du recteur. Joseph Rumeur, lui, était aussi blanc que le surplis. « Allez me quérir une corde et choisissez-la solide, » lui commanda le prêtre. L'instant d'après, l'étole était remplacée par la corde. « Maintenant, attachez le chien dehors à l'un des anneaux qui sont scellés dans le mur de la maison. Vous l'y laisserez passer la nuit. Et demain, vous chargerez le plus dispos de vos garçons de labour de le conduire jusqu'à la dernière ferme qu'il rencontrera sur la lisière du Ménez Arré. Là, les gens l'instruiront de ce qu'il conviendra qu'il fasse. Moi, ma besogne est accomplie. Bonne nuit, Joseph Rumeur. Suivez de point en point mes ordres et vous n'aurez plus à vous tourmenter pour votre femme. Ah, surtout, qu'on ne frappe pas le chien !» Après avoir ainsi parlé, le recteur s'en alla. Le lendemain, quand le domestique principal vint demander quel serait son travail de la journée, le maître lui dit « Ton travail sera de conduire au Ménez Arré, de la part du recteur de Plogonec, le chien que tu as dû voir attaché près de la porte. Tu iras jusqu'à la dernière ferme avant la montagne. Pour le reste, les gens de l'endroit te renseigneront. « Bien, » dit le domestique. Et, ayant chaussé sa meilleure paire de souliers, il se mit en route avec le chien. Joseph Rumeur les accompagna sur le seuil de l'aire. « Garde-toi de frapper la bête, » enjoignit-il à l'homme en guise d'adieu. Pendant les premières lieues, tout marcha à souhait. Mais quand on fut sorti du pays de la plaine pour entrer dans le pays des Ménèzes, le chien fit mine de tirer la langue et de vouloir se faire traîner. L'impatience gagna le domestique. Il jura et sacra. « Trotteras-tu, vieille carcasse ?» Et, oubliant la recommandation du maître, il brutalisa l'animal. Mal lui en prit, car le chien battu se coucha sur le sol et commença de geindre d'une voix humaine. « Oh, Yannick, pourquoi me frappez-vous? Ne savez-vous donc pas que je suis votre ancienne maîtresse, Marie-Jeanne Pérennou? Vous devriez vous souvenir combien j'étais bonne pour vous lorsque je vivais. » Yannick, le domestique, fut si épouvanté qu'il faillit tomber à la renverse. La bête en profita pour essayer de lui échapper. Heureusement qu'il avait eu au départ la précaution d'enrouler et de nouer la corde autour de son poignet. « Tu as de la chance !» dit Marie-Jeanne en bavant de fureur. « Si j'avais pu m'arracher de tes mains, j'aurais fait de toi un homme !» Il se le tint pour dit et se donna garde de toucher à son compagnon durant le reste du voyage. Sur le soir, comme le soleil se couchait derrière les cimes de pierre, ils arrivèrent à une petite ferme misérable, la dernière demeure habitée avant les parages déserts de la montagne. Là, Yannick put se reposer et se restaurer un peu en mangeant un morceau de pain étendu de lard, car il était à jeun depuis Plogonec. « Et qu'est-ce que je vais faire de l'animal à présent ? » demanda-t-il au fermier après s'être repu. « Oh, ne vous mettez pas en peine de cela ! Le prêtre de Saint-Rivoil est déjà en route à cette heure pour le venir chercher, » répondit l'homme de la montagne. « Il est donc averti ? » ?»« Pas n'est besoin qu'on l'avertisse. À l'instant même où vous quittiez Plogonec ce matin, il savait par ses livres que sa présence serait nécessaire ici ce soir. » Effectivement, le fermier n'avait pas fini de parler que le prêtre de Saint-Rivoal passait la porte. « De la part de qui, ce chien ? » s'informa-t-il. « De la part du recteur de Plogonec, en Cornouailles, monsieur le curé, » dit le garçon. « C'est bien, retournez lui annoncer que je me charge de la commission et qu'elle sera faite comme il l'entend. Mais jusqu'à ce que vous l'ayez vue, n'adressez la parole et ne répondez à personne sur le chemin. » Le garçon repartit incontinent et, toute la nuit, il marcha. « Vous avez bien mauvaise mine, » lui dit le recteur de Plogonec après qu'il lui eut rapporté la phrase du prêtre de Saint-Rivoal. « Dame, » fit Yannick, « j'ai plus de 30 lieues dans les jambes. » Mais le recteur savait bien qu'il y avait autre chose qu'il ne disait pas. « Vous avez battu le chien, n'est-il pas vrai ?»« Oui, » confessa-t-il en baissant la tête. « Enfin, » murmura le recteur. « Vous en serez quitte pour quelques ennuis. Il eût pu vous arriver pis encore. » Toute l'année, le domestique de Joseph Rumeur fut malade. Il avait perdu le goût du pain et se sentait sans courage au travail. À la louée de novembre, il annonça au maître sa résolution arrêtée de se gager ailleurs. Et il ne retrouva en effet la santé du corps et celle de l'esprit que lorsqu'il fut allé en service dans un autre quartier. Conté par Louise Kosker, Kerfeunteun. Marion Dufaouet. Il y a des revenants célèbres qu'on n'a encore jamais pu conjurer. Tel est le cas de Marion Dufaouet, la fameuse chefesse de Bandy, plus communément désignée sous le nom de Marionique Finefond. Par les nuits très sombres, on la voit réapparaître, grande, pâle, les yeux ardents et les cheveux en désordre, dans un champ situé non loin de la gentilhommière du Véhu, à 3 kilomètres du bourg. Elle va et vient d'un bout à l'autre de la pièce de terre, roulant devant elle une barrique où tintent en se heurtant des milliers et des milliers d'écus d'or. Cela même, sans doute, dont elle dépouilla de son vivant ses innombrables victimes. Par moments, on l'entend murmurer « Piouan eus roant, piouan eus roant, qui les veut, qui les veut ?» Pour entrer en possession de ce trésor et conjurer du même coup Marionique Finefond, il suffirait de jeter à la volée sur la barrique un chapelet béni par un des prêtres de la paroisse. Mais jusqu'à présent, personne n'a osé tenter l'épreuve ou, s'il l'a tentée, ne l'a pas menée à bien. Communiqué par Mademoiselle Le Lux, Le Faouet.